إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, chers frères, nous allons étudier ensemble, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette série de cours, durant ce mois béni, un épître écrit par l'éminent savant, Al-Allamatu Shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, intitulé Fawa'idun Mustanbata min Qissati Yusuf alayhi salam, qu'on traduira par des profits tirés de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté son histoire de manière simple et facile. Et il a dit, en clôturant la sourate, donc sourate Yusuf, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans le sens du verset, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Et tous les récits des prophètes comportent des leçons et des profits. Toutefois, l'histoire de Yusuf est particulière car Allah l'a singularisée par sa parole, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Donc dans le sens, il y avait certainement en Yusuf et ses frères des signes, des exhortations pour ceux qui interrogent, c'est-à-dire des signes et des leçons diverses pour tous ceux qui s'interrogent et recherchent la guider. Car il y a dans cette histoire des changements, d'une situation à une autre, d'une épreuve à une autre, d'un état de tristesse et de souci à un état de joie et de bonheur. Sans évoquer tout ce que comporte cette magnifique et grandiose histoire. Gloire à celui qui l'a conté, l'a éclairci et mis en évidence. Parmi les profits de cette sourate, il y a le fait qu'elle comporte des fondements et des bases de la science de l'interprétation des rêves. Certes, la science de l'interprétation des rêves est une science très importante qui repose sur la bonne compréhension à travers les paroles, les choses perceptibles et imperceptibles, en prenant en considération l'état de la personne qui a fait le rêve et le temps, l'endroit et la situation liée au rêve. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges à Yusuf alayhi salam concernant sa science à interpréter les rêves. Et les rêves sont de trois catégories. La première catégorie est ar-ru'ya sahiha, ar-ru'ya sahiha, donc les songes véridiques, qui sont des inspirations qu'Allah inspire à l'âme au moment où elle se sépare du corps durant le sommeil. La deuxième catégorie est ce qu'Allah a nommé dans le Coran adraf ou ahlam, qui sont les rêves qui n'ont aucune signification et aucune interprétation, et qui sont liés aux pensées de la personne durant son état d'éveil. La troisième catégorie sont les songes qui proviennent de Shaitan, du diable, et qui n'ont aussi aucune signification et interprétation. Et le musulman se protège et prémunit de ce genre de songes en faisant ses invocations de protection. Toutefois, la personne peut voir dans son rêve une chose qui aura comme interprétation ce qu'il a vu réellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à Yusuf alayhi salam cette science de différencier entre les songes véridiques et les songes qui n'ont aucun sens et aucune signification. Et cette histoire, l'histoire de Yusuf alayhi salam, contient les preuves de l'interprétation des rêves. La première de ces preuves le rêve de Yusuf alayhi salam qu'il a raconté à son père Yaqub. Allah subhanahu wa ta'ala dit: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dans le sens du verset, quand Yusuf dit à son père: ô mon père, j'ai vu, c'est-à-dire en songe, 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Yaqub alayhi salam a interprété le soleil et la lune par le père et la mère de Yusuf, et les 11 étoiles par ses frères. Et aussi que ce songe signifie que les parents de Yusuf ainsi que ses frères se prosterneront devant lui. Bien sûr, cette prosternation était considérée à l'époque de Yusuf alayhi salam comme une forme de salutation. Et ceci a été, ceci n'est plus dans la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été abrogé. Donc, et c'est pour cela que quand tous les membres de la famille de Yusuf sont rentrés en Égypte et se sont rassemblés et que Yusuf éleva ses parents sur le trône, tous ses frères se sont prosternés devant lui. Yusuf dit: Ya Abati, هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Dans le sens du verset: ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Et ceci est une chose grandiose, que Yusuf alayhi salam soit honoré et considéré de cette manière auprès de ses parents, de ses frères et des gens de manière générale. Et cet objectif, donc l'objectif que Yusuf alayhi salam a atteint, ce but-là, ne se concrétise et ne s'atteint qu'avec des causes et des moyens qui sont la science abondante, les œuvres pieuses, la sincérité, le fait qu'Allah choisisse la personne et le fait de donner à Allah ce qui lui revient de droit ainsi qu'à ses créatures. Allah dit à travers les paroles de Yaqub alayhi salam, dit à son fils, donc Yusuf: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dans le sens du verset: ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Cela signifie qu'Allah a parfait son bienfait sur Yusuf alayhi salam par les sciences utiles, les œuvres pieuses, en le choisissant, en lui octroyant les bons comportements et en lui faisant atteindre les rangs les plus élevés dans cette vie et dans l'au-delà. Parmi les interprétations faites par Yaqub à Yusuf au sujet de son rêve, il y a l'annonce, donc il y a aussi l'annonce d'une bonne nouvelle qui est la facilité qui succédera aux difficultés, que cela soit des difficultés rencontrées avec ses frères en prison ou autres. Car certes, celui qui sait et qui prend conscience que les difficultés et les épreuves mènent au bien et au repos sera rassuré. Et ces épreuves et difficultés seront amoindries à ses yeux. Et ceci fait partie de la douceur et la bienfaisance d'Allah envers ses serviteurs, que Yusuf alayhi salam a évoqué à travers la parole d'Allah: Inna Rabbi latifun lima yasha. Dans le sens: mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et ceci découle de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hauts rangs et les hauts degrés ne s'atteignent qu'avec ses moyens et ses causes honorables. Et c'est pour cela qu'Allah dit: Inna Rabbaka alimun hakim. Dans le sens: car ton Seigneur est omniscient et sage. Aussi, parmi les profits de l'interprétation du rêve de Yusuf, il y a une bonne nouvelle pour Yaqub, la mère de Yusuf et ses frères, qui est l'acquisition des hauts degrés et du bien. Yaqub alayhi salam fait partie des plus grands et des meilleurs prophètes. La mère de Yusuf a un haut rang auprès d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà, et un degré de vertu élevé. Et c'est pour cela qu'elle a été représentée par le soleil ou la lune, selon la divergence entre les deux avis. Les frères de Yusuf ont été représentés par les onze étoiles, malgré les torts causés à leur père et à leur frère, Yusuf, a.s. Toutefois, leur père Yaqub et leur frère Yusuf leur ont pardonné et ont demandé à Allah de leur pardonner, après que ses frères aient regretté leur faute. Allah dit, قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Dans le sens du verset, ils dirent, donc les frères de Yusuf, c'est-à-dire les frères de Yusuf, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, donc Yusuf, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. La deuxième preuve de l'interprétation des rêves qui est dans cette sourate est le songe des deux jeunes valets qui étaient avec Yusuf en prison. Allah dit, en évoquant les rêves de ces deux derniers, Naam, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. Dans le sens du verset, ou des versets, deux valets entrèrent avec lui, donc avec Yusuf alayhi salam, en prison. L'un d'eux dit, je me voyais, c'est-à-dire en songe, pressant du raisin, et l'autre dit, et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Yusuf alayhi salam a alors interprété leurs rêves. Concernant le valet qui s'est vu en rêve pressé du raisin, Yusuf alayhi salam lui dit qu'il allait être libéré de prison et qu'il serait à nouveau au service de son maître qui était le roi d'Égypte et qui lui presserait du raisin pour en faire du vin. Concernant le valet qui s'est vu en rêve portant sur sa tête du pain dont les oiseaux mangeaient, il dit qu'il allait être tué puis crucifié et que les oiseaux allaient manger de sa tête. Non. Donc le rêve du premier valet s'est réalisé identiquement comme dans la vision du songe. Quant au rêve du deuxième valet, sa vision était une interprétation de ce qu'il allait réellement lui arriver. Il sera tué, ensuite crucifié sans être enterré, jusqu'à que des oiseaux viennent lui picorer la tête. Ceci nous montre la maîtrise de Yusuf a.s. de cette science dans les moindres détails. Car en général, une personne qui a été tuée et enterrée sur le champ ne peut être approchée et mangée par des carnassiers ou des oiseaux. Donc Yusuf a.s. a compris que ce valet n'allait pas être enterré aussitôt après avoir été tué. Et parmi les choses qui nous montrent les bons caractères de Yusuf, sa préoccupation à conseiller et son intelligence, il y a le fait que Yusuf a.s. fit patienter les deux valets avant d'interpréter leurs rêves, en leur promettant de le faire le plus rapidement possible. Il dit, alayhi salam, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Donc, dans le sens du verset, on ne vous aura pas encore apporté votre ration journalière ou votre nourriture, naam, que je vous aurai déjà interprété vos rêves. Donc Yusuf a.s. leur promet d'interpréter leurs rêves avant qu'une nourriture ne leur vienne de l'extérieur de la prison, pour les rassurer et pour pouvoir les appeler à Allah, pour pouvoir leur faire da'wah, avant d'interpréter leurs songes, car cela leur permettra plus de l'écouter, et ceci du fait que les appeler à Allah, leur faire da'wah, est beaucoup plus important que de leur interpréter leurs rêves. Yusuf a.s. leur dit à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ